la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la famine à mes récoltes, t'imagines pas tout ce que je peux te voir. Je me sens sur 10 000 volts, puis que le monde fait semblant de pas me voir. Avoir su que pour une graine de blé, fallait travailler toute la journée sans arrêter. Du matin au soir, j'irais retourner m'asseoir dans mes cahiers, puis c'est ici qu'a finirait l'histoire. Mais non, j'ai choisi la grande route, et en route, j'ai rencontré banqueroute. À ce temps, y'a plus rien pour me surprendre, puis y'a plus rien pour me décevoir. Parce qu'avec les années, je me suis habitué à rien recevoir. Je marche, traîne même sa brosse, parce que c'est ma vie de boire. J'ai un straight, j'file tout croche, là j'ai plus une scène noire. Idiot, c'est pas faux, t'as entendu les cartes de crédit m'ont remonté. Mais c'est des remboursés qui m'ont descendu. Prends la face de celle qui t'admet le plus. Dis-toi que sa face cachée n'est pas pour rien. Ça prend juste le courage des tours dans l'impasse. Parce que plus tard, si le cadet se passe. Viens encombrant esprit, perturbé, pensée mélangée. T'as plus le goût de rien dans ce monde de chien. Vie souffrante, missions échouées, des missions assurées. T'as plus aucun lien dans ce monde de rien, c'est l'enfer. Tu sais plus quoi faire, t'en veux envers tous ceux qui t'ont mis à l'envers. Dans cet univers où t'es tenu vers la misère, même s'il faut pas, tu fais plein de faux pas. Et deux boîtes tombent, pas à pas, tu creuses ta propre tombe, tu t'avoues vaincu. Dans cette vie de cul, t'as plus la chance en toi. D'année de tu même toi, le mauvais pour que tu nettoies. Trop négatif qui remonte, qui fait surface en dépressif. Qui se voit dans ta voix pis dans ta face. Faut que tu t'y fasses ou tu t'effaces. Tu peux plus donner ton 100%. Tes belles faiblesses, plein de choses que tu déplaces. Le cœur rempli de tristesse. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup mon Jess. Oh, prends la face de celle qui t'admet le plus. Dis-toi que sa face cachée n'est pas pour rien. Ça prend juste le courage des tours dans l'impasse. Parce que plus tard, si le cadet se passe. Là ça va mal, j'ai plus un sou, j'suis toujours sous. Pis j'suis ben profond dans le trou, la vie fait mal. Tout le monde s'en fout, j'suis juste un fou dans ma. Jusqu'au cou, ah si j'suis, j'respire presque plus. Les problèmes dessus, j'crie à l'aide sa réponse. On m'enfonce de plus en plus, pas me chien dessus, pas me chien dessus. Si j'avais su que vivre, il me donnerait ça comme lendemain. Si j'avais su que je perdrais ma femme pis mes gamins. Si j'avais su, j'aurais changé de route. J'aurais pris un autre chemin afin de combler ma faim. C'est comblé, mais plus t'en as, plus tu manges. Moins t'en as, plus tu changes. La vie, envers ta vie. Ces temps-ci, je me pose des sérieuses questions. T'es trop gros, point d'interrogation. C'est que je vois tes problèmes sans solution.